Chapitre 88. Vous êtes venu toucher votre délègue aussi, Madame Kemener? Et vous aussi donc, Madame Kerdonguff? Où est-ce qu'il navigue aussi, votre mari, Madame Kemener? En Chine, Madame Kerdonguff, dessus le Kerguelen. Et le mien aussi donc, Madame Kemener. Il navigue là-bas, dessus la Vénus. C'est dans la rue des Voûtes à Brest, sous la pluie fine, que cela se chante à deux voix fausses dans des tonalités surprenantes. Cette rue des Voûtes est toute pleine de femmes qui attendent là, depuis le matin, à la porte d'une laide bâtisse en granit. La caisse des gens de mer. Femmes de Brest, que la pluie ne rebute plus, elles causent aigrement les pieds dans l'eau, pressées contre les murs de la ruelle triste, sous le brouillard gris. C'est le premier jour du trimestre. Elles font queue pour être payées. Et il était temps. L'argent manquait dans tous ces logis noirs de la grande ville. Femmes dont les maris naviguent au loin, elles vont toucher leurs délègues, lisez délégation, la solde que ces marins leur abandonnent. Après, elles iront la boire. Il y a en face un cabaret qui est venu s'établir là tout exprès. C'est à la mère de famille, chez Madame Pétavin. Dans Bresse, on l'appelle le cabaret de la délègue. Madame Kemener, le visage plat comme un carlin, les mâchoires massives, le ventre en avant, porte un waterproof et un bonnet de tulle noir, avec des coques bleues. Madame Kerdonguff, malsaine, verdâtre, un aspect de mouche à viande, montre une figure chafouine, sous un chapeau orné de deux roses avec leur feuillage. À mesure que leur approche, la foule des ivrognesses augmente. La caisse est assiégée. Il y a des contestations aux portes. Le guichet va s'ouvrir. Et Marie, la femme d'Yves, est là aussi, dans cette promiscuité immonde, tenant le petit Pierre par la main. Un peu timide, se sentant triste, ayant une vague frayeur de toutes ces femmes, elle laisse passer les plus pressées et se tient contre le mur du côté où la pluie ne donne pas. « Entrez donc, ma petite dame, au lieu de faire mouiller comme cela ce joli petit garçon. » C'était Madame Pétavin qui vient d'apparaître sur sa porte très souriante. « Faut-il vous servir quelque chose, un peu de doux ?»« Oh, merci, madame, je ne bois pas, » répond Marie, qui, voyant le cabaret encore vide, est entrée tout de même, de peur de faire rhumer son petit Pierre. « Mais si je vous gêne, madame ?»« Assurément, non. Elle ne gênait pas du tout, Madame Pétavin, qui avait l'âme bonne et qui la fit asseoir. » Voici Madame Kemener et Madame Kerdonguff les premières payées, qui entrent, ferment leurs parapluies et prennent place. « Madame, madame, m'aidez un quart dans deux verres aussi donc. » Inutile de dire un quart de quoi, c'est de l'eau de vie très raide qu'il s'agit. Ces dames causent. « Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari, sur le Kerguelen, Madame Kemener ?»« Il est chef d'une, Madame Kerdonguff. » »« Et le mien aussi, donc, il est chef d'une, Madame Kemener. » »« Et les femmes de chef peuvent bien trinquer ensemble. » Alors, à la vôtre, Victoire Yvonne. Ces dames s'appellent déjà par leur petit nom. Les verres se vident. Marie tourne vers elles, son regard clair, les dévisageant tout à coup, avec une grande curiosité, comme on fait pour les bêtes de ménagerie. Et puis, elle a envie de s'en aller. Mais dans la rue, la pluie tombe fort, et devant la porte de la caisse, il y a encore bien du monde. À la vôtre, Victoire Yvonne. À la vôtre, Françoise. Allons, le litre y passera. Ces dames se racontent leurs petites affaires. C'est dur tout de même pour joindre les deux bouts, mais tant pis. Le boulanger, lui d'abord, pourra bien attendre le trimestre prochain. Le boucher, eh bien, on lui donnera un acompte. Aujourd'hui, un jour de paye, comment ne pas s'égayer un peu? Moi encore, dit Madame Kerdonguff, avec un sourire de coquetterie, plein de sous-entendus. Je ne suis pas trop malheureuse, parce que, voyez-vous, j'ai un vétéran que je loge en Garni, qui est quartier-maître dans le port. C'est compris. Même sourire sur le visage de Madame Kemener. C'est comme moi, j'ai un fourrier à la tienne, Françoise. Ces dames se tutoient. Il est poli son beau fourrier, si, tu savais. Et le chapitre des confidences intimes est ouvert. Madame Kermadec se lève. A-t-elle bien entendu? Beaucoup de ces mots lui sont inconnus, assurément, mais le sens en est transparent et le geste vient à l'appui. Est-ce qu'il y a vraiment des femmes qui peuvent dire des choses pareilles? Et elle sort sans se retourner, sans dire merci. Rouge, sentant tout le sang qui lui est monté aux joues. As-tu vu celle-là, la mouche qui l'a piquée? Dame, vous savez, c'est de la campagne. Ça porte encore la coiffe de Banalec, ça n'a pas d'usage. À la tienne, Victoire Yvonne. Le cabaret se remplit. À la porte, les parapluies se ferment. Les vieux waterproofs se secouent. Toutes ces dames entrent, les litres circulent. Et au logis, il y a des petits qui piaulent avec des voix de chacal en détresse. des enfants aves qui crient le froid ou la faim. Tant pis à la tienne, Françoise, c'est jour de paye. » Quand Marie fut dehors, elle aperçut un groupe de femmes en grande coiffe qui étaient restées à l'écart pour laisser passer la presse des effrontés. Vite, elle vint prendre place parmi elles afin de se retrouver en honnête compagnie. Il y avait là de bonnes vieilles mères des villages qui étaient venues pour toucher la délégation de leurs enfants et qui se tenaient sous leur parapluie de coton, avec de ces figures dignes, pincées, que se font les paysannes à la ville. En attendant son tour, elle lia connaissance avec une vieille de Kermézo, qui lui conta l'histoire de son fils, un canonnier de Lastrée. Il paraît que dans sa première jeunesse, il avait fait des tours comme Yves, et puis il était devenu tout à fait rangé en prenant de l'âge. Il ne fallait jamais désespérer les marins. C'est égal dans son indignation contre ces femmes de Brest. Marie venait de prendre un grand parti, sans retourner à Toulven coûte que coûte, et dès demain si c'était possible. Aussitôt rentrée au logis, elle se mit à écrire une longue lettre à Yves pour lui motiver sa décision. Il est vrai, le loyer de la recouvrance courrait encore pendant 3 mois, et la petite maison de Toulven ne serait pas finie de longtemps. Mais elle rattraperait tout cela à force de travail et d'économie. Elle se mettrait à repasser pour le monde, à tuyauter les grandes collerettes du pays, un ouvrage difficile qu'elle savait parfaitement réussir au moyen d'un jeu de roseaux très fin. Ensuite, elle raconta dans sa lettre toutes les nouvelles choses que le petit Pierre savait lire et faire. Elle y mit en termes très naïfs sa grande tendresse pour l'absent. Elle y attacha une mèche de cheveux, coupée sur une certaine petite tête brune très remuante, et puis enferma le tout dans une enveloppe de papier mince et écrivit dessus « À Monsieur Kermadec Yves, chef d'une à bord du Primauguet dans les mers du Sud, aux soins du consul de France à Panama, pour envoyer à la suite du navire. Pauvre petite lettre, qui sait, elle arrivera peut-être. Ça n'est pas impossible, ça s'est vu. Dans 5 mois, dans 10 mois, toute sa lie est couverte de cachets américains. Elle arrivera peut-être fidèlement pour porter à Yves l'amour profond de sa femme et les cheveux bruns de son fils. » Chapitre 89. Mai 1882. Ce soir-là, dans les solitudes australes, le vent s'était mis à gémir. Dans tout cet immense mouvement où habitait le Primauguet, on voyait courir l'une après l'autre les longues lames bleues sombres. La brise était humide et donnait froid. En bas, dans le faux pont, le Hir, l'idiot, se dépêchait avant la nuit de coudre un cadavre dans des morceaux de toile grise qui étaient des débris de voile. Yves et Barada, debout, le surveillaient avec horreur. Ils étaient obligés de se tenir tout près de lui, dans une très petite chambre mortuaire qu'on avait faite avec d'autres voiles tendues, et dont un canadien gardait l'entrée, le sabre d'abordage au poing. C'était Barazère qu'on cousait dans ses toiles grises. Il venait de mourir d'un mal pris jadis à Alger. Une nuit de plaisir. Plusieurs fois, on l'avait cru guéri, mais le poison incurable restait dans son sang, reparaissait toujours et à la fin l'avait vaincu. Les derniers jours, il était couvert de plaies hideuses et ses amis ne l'approchaient plus. C'était le Hir qui le cousait, tous les autres ayant refusé, par peur de son mal. Lui avait accepté à cause de 2 quarts de vin qu'on lui avait promis. Le roulis le remuait, le gênait dans sa besogne, lui dérangeait son cadavre, et il s'impatientait dans l'attente de ce vin qu'il allait boire. D'abord les pieds. On lui avait recommandé de les bien serrer à cause du boulet qu'on y attache pour faire couler le mort. Ensuite il cousait en remontant le long des jambes. On ne voyait déjà plus le corps, enveloppé dans plusieurs doubles de toile dure, rien que la tête pâle reposait dans la mort et restait très belle avec un sourire tranquille. Et puis rudement, par un geste de brute, le Hir ramena dessus un pan de la toile grise, et ce visage fut voilé à jamais. Il avait de vieux parents, ce Barazère, qui l'attendaient dans un village de France. Quand ce fut fini, Yves et Barada sortirent de la chambre mortuaire, poussant le Hir devant eux par les épaules, afin de le conduire à la poulaine et de lui faire laver les mains avant de le laisser boire. Ils avaient échangé sans doute leurs idées sur la mort, car Barada, en sortant, disait avec son accent bordelais « Ah, ouat, les hommes, vois-tu, c'est comme le bête. On en fait d'autres, mais ceux qui sont crevés. » Et il finit par cette espèce de rire à lui qui sonnait creux et profond, comme un rugissement. Dans sa bouche, ce n'était plus une phrase impie, seulement il ne savait pas mieux dire. Ils avaient même le cœur très serré, tous les deux. Ils regrettaient Barazère. À présent, ce mal qui leur avait fait peur était enfermé, oublié dans leurs souvenirs. Celui qui était mort se dégageait de cette impureté finale, s'ennoblissait tout à coup, et il le revoyait comme au temps de sa force. Il s'attendrissait en pensant à lui. Chapitre 90. Il n'y a rien de pharaon comme un matelot, qu'à laver sa peau dans 5 ou 6 eaux. Le lendemain matin, au lever du soleil, la brise était restée fraîche et vive. Le primauguet filait très vite et se secouait dans sa course, avec ce déhanchement souple et vigoureux des grands coureurs. Sur l'avant du navire, les hommes de la bordée de quart faisaient en chantant leur première toilette. Nus, semblables à des antiques avec leurs bras forts, ils se lavaient à grande eau froide. Ils plongeaient de la tête et des épaules dans les bailles, couvraient leur poitrine d'une mousse blanche de savon, et puis s'associaient deux à deux naïvement pour se mieux frotter le dos. Tout à coup, ils se rappelèrent le mort, et leur chanson gaie s'arrêta. D'ailleurs, ils venaient de voir les hommes de l'autre bordée, qui montaient au commandement de l'officier de quart, et se rangeaient en ordre sur l'arrière, comme pour les inspections. Ils devinaient pourquoi ils s'approchèrent tous. Une grande planche toute neuve était posée en travers sur les bastingages, débordant, faisant bascule au-dessus de la mer. Et on venait d'apporter d'en bas une chose sinistre, qui semblait très lourde, une gaine de toile grise qui accusait une forme humaine. Quand Barazer fut couché sur la grande planche neuve, en porte-à-faux au-dessus des lames pleines d'écume, tous les bonnets des marins s'abaissèrent pour un salut suprême. Un timonier récita une prière, des mains firent des signes de croix. Et puis, à mon commandement, la planche bascula, et on entendit le bruit sourd d'un grand remous dans les eaux. Le primauguet continuait de courir, et le corps de Barazer était tombé dans ce gouffre, immense en profondeur et en étendue, qui est le grand océan. Alors, tout bas, comme un reproche, je répétai à Yves qui était près de moi la phrase de la veille. « Les hommes, c'est comme les bêtes, on en fait d'autres, mais... » « Oh, répondit-il, ce n'est pas moi qui ai dit cela, c'est lui. Lui, c'est-à-dire Barada. » L'entendit et tourna la tête vers nous. Il pleurait à chaudes larmes. Cependant, on regardait derrière avec inquiétude dans le sillage. C'est qu'il arrive quand le requin est là, qu'une tache de sang remonte à la surface de la mer. Mais non, rien ne reparut. Il était descendu en paix dans les profondeurs d'en dessous. Descente infinie, d'abord rapide comme une chute, puis lente, lente, alanguie peu à peu dans les couches de plus en plus denses. Mystérieux voyage de plusieurs lieux dans les abîmes inconnus, où le soleil qui s'obscurcit paraît semblable à une lune blême, puis verdit, tremble, s'efface, et alors l'obscurité éternelle commence. Les eaux montent, montent, s'entassent au-dessus de la tête du voyageur mort, comme une marée de déluge qui s'élèverait jusqu'aux astres. Mais en bas, le cadavre tombé a perdu son horreur. La matière n'est jamais immonde d'une façon absolue. Dans l'obscurité, les bêtes invisibles des eaux profondes vont venir l'entourer. Les madrépores mystérieux vont pousser sur lui leurs branches, le manger très lentement avec les 1000 petites bouches de leurs fleurs vivantes. Cette sépulture des marins n'est plus violable par aucune main humaine. Celui qui est descendu dormir si bas est plus mort qu'aucun autre mort. Jamais rien de lui ne remontera. Jamais il ne se mêlera plus à cette vieille poussière d'homme qui, à la surface, se cherche et se recombine toujours dans un éternel effort pour revivre. Il appartient à la vie d'en dessous. Il va passer dans les plantes de pierre qui n'ont pas de couleur, dans les bêtes lentes qui sont sans forme et sans yeux. Chapitre 91. Le soir de l'immersion de Barazer, Yves avait amené son ami Jean Barada dans ma chambre avec lui. Il restait maintenant les derniers de toute l'ancienne bande. Kerboul, le Hélo, dormait depuis longtemps au fond de la mer, descendu aux aussi en pleine jeunesse. Les autres partis pour naviguer au commerce ou rentrer dans leur village, tous dispersés. C'étaient de très anciens amis, Yves et ce Barada. À terre, quand ils étaient réunis, il ne faisait pas bon se mettre en travers de leur fantaisie. Je les vois encore tous deux assis devant moi, de moitié sur la même chaise à cause de l'exiguïté du logis, se tenant d'une main par habitude de rouler, et me regardant avec leurs yeux attentifs. C'est que j'essayais de leur démontrer ce soir-là que les hommes, ce n'était pas comme les bêtes, de leur parler du mystérieux après. Et eux, ayant cette mort toute fraîche dans la mémoire, m'écoutaient surpris, captivés, au milieu de cette tranquillité très particulière des soirs où la mer se calme, tranquillité qui prédispose à comprendre l'incompréhensible. Vieux raisonnements ressassés d'école que je leur développais et qui pouvaient impressionner encore leur tête jeune. C'était peut-être très bête, ce cours d'immortalité, mais cela ne leur faisait aucun mal, au contraire. Chapitre 92. Ces mers où se tenait le Primauguet étaient presque toujours du même bleu de lapis. C'était la région des Alizés et du beau temps qui ne finit pas. Quelquefois, pour aller d'un groupe d'îles à un autre, il nous fallait franchir l'équateur, passer par les grandes immobilités, les splendeurs mornes. Et après, quand l'Alizé vivifiant reprenait dans un hémisphère ou dans l'autre, quand le Primauguet réveillé se remettait à courir, alors on sentait mieux, par contraste, le charme d'aller vite, le charme d'être sur cette grande chose inclinée, frémissante, qui semblait vivre et qui vous obéissait, alerte et souple, enfilant toujours. Quand nous courions vers l'est, c'était au plus près du vent, dans ces régions d'Alizés. Alors le Primauguet se lançait contre les lames régulières et moutonnées des tropiques pendant des jours entiers, sans se lasser, avec les mêmes petits trémoussements joyeux de poissons qui s'amusent. Ensuite, quand nous revenions sur nos pas, vent arrière, tout couvert de voiles, déployant toute notre large envergure blanche, notre marche, toujours aussi rapide, devenait si facile, si glissante, que nous ne nous sentions plus filés. Nous étions comme soulevés par une espèce de vol, et notre allure était comme un planement d'oiseaux. Pour les matelots, les jours continuaient à se ressembler beaucoup. Chaque matin, c'était d'abord un délire de propreté qui les prenait, dès le branle-bas. À peine réveillés, on les voyait sauter, courir pour commencer au plus vite le grand lavage. Tout nus, avec un bonnet à pompons, ou bien habillé d'un tricot de combat, qui est une petite pièce tricotée pour le coup, à peu près comme une bavette de nouveau-né. Ils se dépêchaient de tout inonder. Des jets de pompe, des seaux d'eau lancés à tour de bras. Ils se dépêchaient s'en jetant dans les jambes, dans le dos, tout éclaboussé, tout ruisselant, chavirant tout pour tout laver. Ensuite, usant le pont déjà très blanc avec du sable, des frottes, des grattes pour le blanchir encore. On les interrompait pour les renvoyer sur les vergues faire quelques manœuvres du matin, larguer le risse de chasse ou rectifier la voilure. Alors ils se vêtaient à la hâte, par convenance, avant de monter et exécutaient vite cette manœuvre commandée, pressés de revenir en bas s'amuser dans l'eau. À ce métier, les bras se faisaient forts et les poitrines bombées. Il arrivait même que les pieds, par habitude de grimper nus, devenaient un peu prenants comme ceux des singes. Vers 8 heures, ce lavage devait finir à un certain roulement de tambour. Alors, pendant que l'ardent soleil séchait très vite toutes ces choses qu'ils avaient mouillées, eux commençaient à fourbir. Les cuivres, les ferrures, même les simples boucles, devaient briller clairs comme des miroirs. Chacun se mettait à la petite poulie, au petit objet dont la toilette lui était particulièrement confiée, et le polissait avec sollicitude, se reculant de temps en temps d'un air entendu, pour voir si ça reluisait, si ça faisait bien. Et autour de ces grands enfants, le monde, c'était toujours et toujours le cercle bleu, l'inexorable cercle bleu, la solitude resplendissante, profonde, qui ne finissait pas, où rien ne changeait, et où rien ne passait. Rien ne passait que les bandes étourdies des poissons volant aux allures de flèches, si rapides qu'on n'apercevait que des luisants d'ailes, et c'était tout. Il y en avait de plusieurs sortes, d'abord les gros, qui étaient couleur d'acier bleui, et puis de plus petits et de plus rares, qui semblaient avoir des nuances de mauve et de pivoine. On était surpris par leur vol rose, et quand on voulait les regarder, c'était trop tard. Un petit coin de l'eau crépitait encore et étincelait de soleil, comme sous une grêle de balles. C'était là qu'ils avaient fait leur plongeon, mais ils n'y étaient plus. Quelquefois une frégate, grand oiseau mystérieux, qui est toujours seul, traversait à une excessive hauteur les espaces de l'air, filant droit avec ses ailes minces et sa queue en ciseaux, se hâtant comme si elle avait un but. Alors les matelots se montraient, le voyageur étrange, le suivait des yeux tandis qu'il restait visible, et son passage était consigné sur le journal de bord. Mais des navires, jamais. Elles sont trop grandes, ces mers australes, on ne s'y rencontre pas. Une fois, on avait trouvé une petite île océanienne entourée d'une blanche ceinture de corail. Des femmes qui habitaient là s'étaient approchées dans des pirogues, et le commandant les avait laissées monter à bord, devinant pourquoi elles étaient venues. Elles avaient toutes des tailles admirables, des yeux très sauvages, à peine ouverts entre des cils trop lourds, des dents très blanches que leur rire montrait jusqu'au fond. Sur leur peau, couleur de cuivre rouge, des tatouages très compliqués ressemblaient à des réseaux de dentelles bleues. Leur passage avait rompu pour un jour cette continence que les matelots gardaient. Et puis l'île, à peine entrevue, s'était enfui avec sa plage blanche et ses palmes vertes, toutes petites au milieu du grand désert des eaux, et on n'y avait plus pensé. On ne s'ennuyait pas du tout à bord. Les journées étaient très suffisamment remplies par des travaux ou des distractions. À certaines heures, à certains jours fixés d'avance, par le tableau du service à la mer, on permettait aux matelots d'ouvrir les sacs de toile, où leurs trousseaux étaient renfermés. Cela s'appelait « aller au sac ». Alors ils étalaient toutes leurs petites affaires qui étaient pliées là-dedans avec un soin comique et le pont du Primauguet ressemblait tout à coup à un bazar. Ils ouvraient leur boîte à coudre, disposaient des petites pièces très artistement taillées pour réparer leurs vêtements, que le jeu continuel et la force des muscles usaient vite. Il y avait des marins qui se mettaient nus pour raccommoder gravement leurs chemises, d'autres qui repassaient leurs grands cols par des procédés extraordinaires, en se tenant longtemps assis dessus, d'autres qui prenaient dans leur boîte à écrire de pauvres petits papiers jaunis, fanés, portant les timbres de différents recoins perdus du pays breton ou du pays basque, et se mettaient à lire. C'étaient des lettres des mères, des sœurs, des fiancés qui habitaient dans les villages de là-bas. Et ensuite, à un coup de sifflet roulé, très spécial, qui signifiait « ramasser les sacs », tout cela disparaissait comme par enchantement, replié, resserré, redescendu à fond de cale, dans les casiers numérotés, que les terribles sergents d'armes venaient fermer avec des chaînettes de fer. En les regardant, on aurait pu se tromper à leurs airs patients et sages, si on ne les eût pas mieux connus. En les voyant si absorbés dans ces occupations de petite fille, dans ces déballages de poupées, impossible de s'imaginer de quoi ces mêmes jeunes hommes pouvaient redevenir capables une fois lâchés sur terre. Il n'y avait qu'une heure de mélancolie inévitable. C'était quand la prière du soir venait d'être dite, quand les signes de croix des Bretons venaient de finir, et que le soleil était couché. À cette heure-là, assurément, beaucoup d'entre eux songeaient au pays. Même dans ces régions d'admirable lumière, il y a toujours cette heure indécise entre le jour et la nuit qui est triste. On voyait à cet instant-là des têtes de matelots se tourner involontairement vers cette dernière bande de lumière, qui persistait du côté du couchant, très bas à toucher la ligne des eaux. Une bande nuancée toujours sur l'horizon. C'était d'abord du rouge sombre, un peu d'oranger au-dessus, un peu de vert pâle, une traînée de phosphore, et puis cela se fondait en montant avec les gris éteints, avec les nuances d'ombre et d'obscurité. De derniers reflets d'un jaune triste restaient sur la mer, qui luisaient encore çà et là avant de prendre ses tons neutres de la nuit. Ce dernier regard oblique du jour, jeté sur les profondeurs désertes, avait quelque chose d'un peu sinistre. Et on s'inquiétait malgré soi de l'immensité des eaux. C'était l'heure des révoltes intimes et des serrements de cœur. C'était l'heure où les matelots avaient la notion vague que leur vie était étrange et contre nature, où ils songeaient à leur jeunesse séquestrée et perdue. Quelques lointaines images de femmes passaient devant leurs yeux, entourées d'un charme alanguissant, d'une douceur délicieuse. Ou bien ils faisaient, avec un trouble subit de leur sens, le rêve de quelques fêtes insensées de luxure et d'alcool, pour se rattraper et s'étourdir, la prochaine fois qu'on les déchaînerait à terre. Mais après venait la vraie nuit, tiède, pleine d'étoiles, et l'impression passagère était oubliée. Les matelots venaient tous s'asseoir ou s'étendre à l'avant du navire, et commençaient à chanter. Il y avait des gabiers qui savaient de longues chansons très jolies, dont les refrains se reprenaient en chœur. Les voix étaient belles et vibrantes dans le silence sonore de ces nuits. Il y avait aussi un vieux maître qui comptait toujours un petit cercle attentif d'interminables histoires. C'étaient des aventures très certainement arrivées autrefois à de beaux gabiers que des princesses amoureuses avaient emmenés dans des châteaux. Il courait toujours le Primauguet, traçant derrière lui dans l'obscurité une vague traînée blanche qui s'effaçait à mesure comme une queue de météore. Il courait toutes les nuits sans se reposer ni dormir. Seulement ses grandes ailes perdaient le soir leur blancheur de goéland. Et sur les lueurs diffuses du ciel, on les voyait tout à coup découpées, en ombres chinoises, des pointes et des échancrures de chauves-souris. Mais il avait beau courir, il était toujours au milieu du grand même cercle, qui semblait éternellement se renfermer, s'étendre et le suivre. Quelquefois ce cercle était noir, et dessinait nettement partout sa ligne inexorable qui s'arrêtait aux premières étoiles du ciel, ou bien l'immense contour était adouci par des vapeurs qui fondaient tout ensemble. Alors on se figurait courir dans une espèce de globe d'un bleu-gris très étoilé, dont on s'étonnait de ne jamais rencontrer les parois fuyantes. L'étendue était remplie des bruits légers de l'eau. L'étendue était toujours bruissante à l'infini, mais d'une manière contenue et presque silencieuse. Elle rendait un son puissant et insaisissable, comme ferait un orchestre de milliers de cordes que les archets frôleraient à peine et avec grand mystère. Par instants, les étoiles australes se mettaient à briller d'éclats très surprenants. Les grandes nébuleuses étincelaient comme une poussière de nacre. Toutes les teintes de la nuit semblaient s'éclairer par transparence de lumières étranges. On se serait cru à ces moments des féeries où tout s'illumine pour quelque immense apothéose, et on se disait « Pourquoi est-ce que les choses resplendissent de cette manière ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Eh bien non, il n'y avait rien, jamais. C'était simplement la région des tropiques qui était ainsi. Il n'y avait rien que les mers désertes et toujours l'étendue circulaire, absolument vide. Ces nuits étaient bien d'esquisses nuits d'été, douces, plus que nos plus douces nuits de juin. Et elle troublait un peu tous ces hommes dont les aînés n'avaient pas 30 ans. Ces obscurités tièdes apportaient des idées d'amour dont on n'aurait pas voulu. On se voyait près de s'amollir encore dans des rêves troublants. On sentait le besoin d'ouvrir ses bras à quelque forme humaine très désirée, de l'éteindre avec une tendresse fraîche et rude, infinie. Mais non, personne, rien. Il fallait se raidir, rester seul, se retourner sur les planches dures de ce pont de bois, puis penser à autre chose, se remettre à chanter. Et alors les belles chansons, gaies ou tristes, vibraient plus fort dans le vide de la mer. Pourtant, on était bien sur ce gaillard d'avant pendant ces veillées du large. On y recevait en pleine poitrine les souffles frais de la nuit, les brises vierges qui n'avaient jamais passé sur terre, qui n'apportaient aucun effluve, vivant, qui n'avaient aucune senteur. Quand on était étendu là, on perdait peu à peu la notion de tout, excepté de la vitesse, qui est toujours une chose amusante, même quand on n'a pas de but et qu'on ne sait pas où l'on va. Ils n'avaient pas de but, les matelots, et ils ne savaient pas où ils allaient. À quoi bon d'ailleurs, puisqu'on ne leur permettait nulle part de mettre les pieds sur terre? Ils ignoraient la direction de cette course rapide et l'infinie profondeur des solitudes où ils étaient. Mais cela les amusait d'aller droit devant eux, dans l'obscurité bleuâtre, très vite, et de se sentir filer. En chantant leur chanson du soir, ils regardaient ce beau pré toujours lancé en avant, et avec ses deux petites cornes et sa tournure d'arbalète tendue, qui sautillait sur la mer, qui effleurait l'eau bruissante à la façon très légère d'un poisson volant. Chapitre 93. Sur ce prix Moguet, mon cher Yves était sans reproche, comme il nous l'avait promis. Les officiers le traitaient avec des égards un peu particuliers à cause de sa tenue, de sa manière d'être, qui n'était déjà plus celle de tous les autres, et il restait malgré tout au premier rang de cette rude bande dont le maître d'équipage disait avec orgueil « Ça, c'est moitié requin, ça n'a pas peur. » Il avait repris son habitude d'autrefois d'arriver le soir à petits pas de chat, dans ma chambre, aux heures où je la lui abandonnais. Il s'installait à lire mes livres ou mes papiers, sachant bien qu'il avait la permission de tout regarder. Il apprenait à comprendre les cartes marines, s'amusait à y marquer des points et à y mesurer des distances. Très souvent, il écrivait à sa femme, et il arrivait que ses petites lettres, interrompues par la manœuvre, restaient à courir parmi les miennes. J'en trouvais une un jour qui était destinée sans doute à partir sous double enveloppe, et sur laquelle il avait mis cette adresse drôle, à Madame Marie Kermadec, chez ses parents à Trémelé en Toulven, pays de Bretagne, commune des Loups, paroisse des Écureuils, à droite, sous le plus gros chêne. On avait peine à se représenter ce grand Yves, écrivant de ces choses de petit enfant. C'était sa première longue absence depuis son mariage. De loin, il se mettait à songer beaucoup à cette jeune femme, qui avait déjà tant souffert par lui, et qui l'avait tant aimée. Maintenant, elle lui apparaissait au fond de ce lointain, sous un aspect nouveau. Chapitre 94. En juillet, le mauvais mois de l'hiver austral, nous sortîmes de la région des Alizés pour redescendre jusqu'à Valparaiso. Là, je dus quitter le Primauguet et m'embarquer sur un grand vaisseau à voile qui rentrait à Brest après son tour du monde. Il s'appelait le Navarin. On y embarqua aussi tous les hommes de notre bord qui avaient fini leur temps de service, entre autres Barada, qui s'en allait à Bordeaux, avec sa ceinture garnie d'or, épouser sa petite fiancée espagnole. Très brusquement, comme toujours, je dis adieu à Yves, le recommandant encore une fois à tous, et je partis pour la France par la grande route du Cap Horn. Chapitre 95. 20 octobre 1882. Je me souviens de ce jour passé en Bretagne, nous trois courant sous le ciel gris dans ces bois de Toulven, Marie, Anne et moi. Ma tête encore toute pleine de soleil et de mer bleue, et cette Bretagne revue tout à coup et si vite, pour quelques heures absolument, comme dans les rêves que nous en faisions à la mer. Il me semblait comprendre son charme pour la première fois. Et Yves restait là-bas, lui, dans le grand océan. Le sentir si loin et me retrouver seul dans ces sentiers de Toulven. Nous courions comme des fous tous les trois dans les chemins verts, sous le ciel gris, elles avec leurs grandes coiffes au vent. La nuit allait bientôt venir, et c'était pour faire, pendant cette dernière heure de jour, la moisson de fougères et de bruyères bretonnes que je devais le lendemain matin emporter avec moi à Paris. Oh, ces départs toujours rapides, changeant tout, jetant leur tristesse sur les choses qu'on va quitter, et nous lançant après dans l'inconnu. Cette fois encore, c'était la grande mélancolie de l'arrière-automne. L'air restait tiède, la verdure admirable, presque l'intensité de vert des tropiques, mais toujours ce ciel breton tout gris et sombre, et déjà des senteurs de feuilles mortes et d'hiver. Nous avions laissé Petit Pierre à la maison pour courir plus vite. En route, nous cueillions les dernières digitales, les dernières silènes roses, les dernières scabieuses. Dans les chemins creux, dans la nuit verte, nous rencontrions les vieillards à longue chevelure, les femmes aux corselets de draps brodés de rangée Dieu. Il y avait des carrefours mystérieux au milieu de ces bois. Au loin, on voyait les collines boisées s'étager en ligne monotone, toujours cet horizon sans âge du pays de Toulven, ce même horizon que les Celtes devaient voir, les derniers plans de la vue se perdant dans les obscurités grises, dans les tons bleuâtres qui passaient au noir. Oh, mon cher petit Pierre, comme je l'avais embrassé fort en arrivant sur cette route de Toulven. De très loin, j'avais vu venir ce petit bonhomme, que je ne reconnaissais pas, et qui courait à ma rencontre en sautant comme un cabri. On lui avait dit « C'est ton parrain qui arrive là-bas ». Et alors il avait pris sa course. Il était grandi et embelli avec un certain air plus entreprenant et plus tapageur. Ce fut à ce voyage que je vis pour la première fois, et la dernière fois, la petite Yvonne, une fille d'Yves, qui était née après notre départ, et qui ne fit sur la terre qu'une courte apparition de quelques mois. Elle était toute pareille à lui, mêmes yeux, mêmes regards, étrange ressemblance que celle d'une si petite créature avec un homme. Un jour, elle s'en retourna dans les régions mystérieuses, d'où elle était venue, rappelée tout à coup par une maladie d'enfant, à laquelle ni la vieille sage-femme, ni la grande penseuse de Toulven n'avaient rien compris. Et on l'emporta là-bas, au pied de l'église, ses yeux semblables à ceux d'Yves, fermés pour jamais. Dans ces bois, nous avions passé nos 2 heures de jour. Après souper seulement, nous étions allés, Marie et moi, voir au clair de lune où en était leur nouveau logis. À la place du champ d'avoine que nous avions mesuré en juin de l'année précédente, s'élevaient maintenant les 4 murailles de la maison d'Yves. Elle n'avait encore ni auvent, ni plancher, ni toiture, et au clair de lune elle ressemblait à une ruine. Nous nous assîmes au milieu sur des pierres, nous trouvant seuls tous deux pour la première fois. C'est d'Yves que nous parlions, cela va bien sans dire. Elle m'interrogeait anxieusement sur lui, sur son avenir, pensant que je connaissais plus profondément qu'elle ce mari, qu'elle adorait avec une espèce de crainte, sans le comprendre. Et moi je la rassurais, car j'espérais beaucoup. Le Forban avait pour lui son bon et brave cœur. Alors, en le prenant par là, nous devions à la fin réussir. Anne apparut tout à coup, venue sans bruit pour écouter, et nous fit peur. « Oh, Marie, dit-elle, change de place bien vite, si tu voyais derrière toi comme c'est vilain ton ombre. » En effet, nous n'y avions pas pris garde. Sa tête seule, éclairée par la lune, avec les ailes de sa coiffe qui remuaient au vent, donnait derrière elle, sur le mur tout neuf, l'image d'une chauve-souris très grande et très laide. C'est assez pour nous porter malheur. Dans Toulven, les binious sonnaient. Pour entrer à l'auberge, où elles venaient toutes deux me reconduire, il nous fallut traverser une fête inattendue, éclairée par la lune. C'était une noce de riche et on dansait en plein air, sur la place. Je m'arrêtais avec Anne et Marie, pour regarder la longue chaîne de la gavotte tournoyer et courir, menée par la voix aigre des cornemuses. La belle lune rendait plus blanches les coiffes des femmes, qui passaient devant nous comme envolées dans le vent et la vitesse. On voyait sur la poitrine des hommes briller rapidement les gorgerins brodés, les paillettes d'argent. À l'autre bout de Toulven, encore du monde. Cela ne semblait pas naturel. Cette animation dans le village, la nuit. Encore des coiffes qui couraient, qui se pressaient pour mieux voir. C'était une bande de pèlerins qui revenaient de Lourdes et faisaient leur entrée en chantant des cantiques. Il y a eu deux miracles, monsieur. On l'a su ce soir par le télégraphe. » Je me retournai et vis Pierre Kerbras, le fiancé d'Anne, qui me donnait ce renseignement. Les pèlerins passèrent, ayant au cou leur grand chapelet. Derrière, il y avait deux vieilles femmes infirmes, qui n'avaient pas été guéries, elles, et que des jeunes hommes rapportaient dans leurs bras. Le lendemain matin, le vieux Corentin, Anne et le petit Pierre, en habit de dimanche, vinrent me reconduire dans le char à bancs de Pierre Kerbras jusqu'à la station de Banalec. Dans le compartiment où je montais, deux vieilles dames anglaises étaient déjà installées. On me fit passer petit Pierre, sa bonne figure couleur de pêche dorée, à embrasser par la portière, et lui éclata de rire en apercevant un petit chien bulle que les ladies portaient dans leur sac de voyage armorié. Il avait pourtant du chagrin parce que je m'en allais, mais ce petit chien dans ce sac, il le trouvait si drôle qu'il n'en pouvait plus revenir. Et les vieilles ladies souriaient aussi, disant que petit Pierre était a very beautiful baby. Et puis ce fut fini de la Bretagne pour longtemps. J'y avais passé 20 heures, et le lendemain matin, elle était déjà bien loin de moi.